Bonjour messieurs, bonjour Hervé Lewers, vous êtes donc le biographe du couple des Moulins, si je puis dire. Bonjour Claude Pomereau, vous venez d'éditer ce numéro hors série du Parisien qui nous fait nous promener sur les lieux mêmes que nous venons de parcourir, du Palais Royal à la Place de la Révolution, en passant par la Conciergerie. Tous ces hauts lieux qui, pour certains d'entre eux en tout cas, sont restés quasiment identiques depuis l'époque de la Révolution. Ils sont là surtout la Place de la Concorde, la célèbre. La Place Louis XV devenue la Place de la Révolution. Puis la Place de la Concorde, c'est le haut lieu de ce qui se passe, c'est-à-dire des exécutions. Et d'ailleurs, là, vous avez mis en couverture une image qui est une image de synthèse, une image reconstituée, mais extrêmement impressionnante, car on a l'impression de voir pour la première fois véritablement ce haut échafaud dont on se rend compte qu'il était vraiment très élevé et qui domine une foule importante. Et celui qui est en train de grimper à l'échafaud, c'est le roi Louis XVI. C'est le roi dans cette même place. Oui. D'ailleurs, le peuple disait, finalement, ces exécutions à la guillotine, c'est beaucoup trop court, ça ne dure que 20 secondes, alors qu'avant, on était quand même mieux servi. Avant, c'était un beau spectacle, surtout lorsque l'on écartelait un régicide. Là, voilà. ça pouvait durer jusqu'à 6 heures de rang. Alors, Hervé Lewers, j'ai très rapidement brossé le portrait de ce couple, j'allais dire idéal. Ils sont parfaitement assortis malgré leurs 10 petites années d'écart, Lucille et Camille. Bonjour Franck Ferrand. Oui, tout à fait, ils sont bien assortis. Alors, ils sont tous les deux issus d'un milieu bourgeois, pas avec la même aisance. Plus aisée, on va dire. Voilà, nettement plus aisée du côté de la finance, alors que le père de Camille était du côté du droit. Mais les deux familles peuvent tout à fait s'entendre, même si elles ne se sont jamais rencontrées. Et le mariage s'est fait d'ailleurs sans la présence de la famille des Moulins. Et voilà, et ce qui est assez rare et remarquable, c'est pour ça que je me suis permis d'employer, en commettant sciemment un léger anachronisme, le terme de romantique tout à l'heure. On est presque dans le romantisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de mariage de convenance qui, de temps en temps, pouvait déboucher sur des histoires d'amour. Ça pouvait arriver, on va dire, une fois sur trois ou quatre. Là, il s'agit d'un véritable mariage d'amour tel que ce sont les enfants de l'aube, en quelque sorte. Ce sont les enfants de la Révolution, Camille et Lucille. Tout à fait. Ils se sont choisis l'un l'autre avec, bien sûr, l'accord des parents qui leur tenaient à cœur. Mais en même temps, il y a une dimension romantique qui est très forte. Bon, ce sont des enfants qui ont lu Rousseau et notamment le roman de Julie, qui vivent également à l'époque de Greuze ou de Bernardin de Saint-Pierre. Et bien sûr, voilà, on a cette impression. Et ils sont tout à fait dans cet esprit-là. L'amour compte énormément pour eux, et c'est vrai qu'à voir cette histoire au travers du Paris de la Révolution, c'est effectivement une histoire romantique de la fin du XVIIIe qu'on peut lire aussi. Greuze, Bernardin de Saint-Pierre, on pourrait ajouter Diderot si l'on voulait, c'est cet esprit-là qui les anime tous deux et qui va se heurter, se fracasser même sur la réalité des faits. Nous allons revenir sur le rôle de Camille Desmoulins, mais aussi sur celui de Lucille dans un instant. Vous avez vu que nos auditeurs sont très nombreux à réagir à cette émission. Je suis ravi finalement que la figure pure, la figure pleine d'allant de Desmoulins passionne encore autant les gens. Vous allez nous éclairer sur eux deux dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur du Paris de la Révolution cet après-midi sur Europe 1 avec Franck Ferrand et ses invités. Vous recevez Claude Pomereau, il est éditeur du hors-série du Parisien, Histoire de Paris. Et le numéro 3 est consacré au Paris de la Révolution et de l'Empire. C'est en partenariat avec Europe 1. Et vous recevez également Hervé Lewers. Il est professeur à l'Université de Lille. Il a été rédacteur en chef, puis directeur des annales historiques de la Révolution française. Alors pour tout vous dire, habituellement, les interruptions, j'ai très envie qu'elles durent le moins de temps possible. Mais là, comme je suis en train de feuilleter tranquillement dans le hors-série mon numéro, j'aurais bien aimé que ça dure 3 minutes de plus. On est happé comme toujours. Il y a un véritable savoir-faire. On va y revenir dans un instant avec Claude Pomereau. Avant cela, si vous êtes d'accord, Hervé Lewers, revenons sur le rôle qu'ont joué Camille et Lucille Desmoulins. D'abord, on ne peut pas comparer les deux, puisqu'il y a un véritable homme politique d'une certaine manière. Quel est le rôle de Lucille pour régler la question, si je puis dire ? Le rôle de Lucille est un rôle bien sûr assez effacé, mais ce dont on s'aperçoit très vite, c'est que Lucille, dans les documents qu'on a conservés d'elle, est très vite une véritable citoyenne. Oui. Je veux dire par là qu'elle s'intéresse. Mot, hein. Voilà, elle s'intéresse à la vie politique de son pays et à partir de la Révolution, elle prend position. Elle s'affirme véritablement patriote et dans les moments les plus douloureux, En 1792, en 1793, elle prend nettement parti pour le renversement du roi et l'entrée en République. Puis, au moment du procès du roi, elle se réjouit de la condamnation à mort de Louis XVI. Son mari a voté la mort, alors que beaucoup de députés, disons-le, notamment parmi ceux qui faisaient profession de modération, beaucoup ont voté pour le bannissement, qui était normalement, qui aurait dû être la peine votée. D'ailleurs, ça s'est joué à très peu de choses près. Pourquoi ce jusqu'au boutisme, si je puis dire, chez Camille? Camille Desmoulins est un véritable démocrate et un véritable républicain dès les débuts de la Révolution, et il l'affirme comme tel. Et à l'issue des événements d'août 1792, il considère que le seul moyen d'entrer en République, et il n'est pas seul à penser de cette manière-là, c'est de brûler ses vaisseaux et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de condamner le roi à mort. Il a une phrase qui est une phrase terrible, mais qui représente bien ses convictions. Il dit « c'est un crime d'être roi ». Et c'est en ce nom-là qu'ils demandent la condamnation à mort du roi. Finalement, ils sont, c'est vrai, alors on parle souvent de la petite majorité qui condamne Louis XVI à mort, mais cette petite majorité, elle s'exprime pour une condamnation à mort sans aucune limite brutale. Mais il y a aussi toute une série de personnes qui se prononcent pour la mort, mais avec, par exemple, le sursis, l'appel au peuple. Oui. En fait, il n'y aura pas de sursis du tout, puisque Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, évidemment. Camille Desmoulins est d'abord un journaliste dans cette affaire. C'est un homme du droit, vous nous l'avez dit. Il est issu d'une lignée juridique, il est lui-même avocat, il met le droit au-dessus de tout, mais en l'occurrence, c'est par le biais de l'article, de la feuille, de la gazette, qu'il s'exprime et qu'il exerce une influence. C'est un homme de la plume. C'est un homme qui invente un journalisme nouveau au début de la Révolution française, comme d'autres journalistes, comme Mercier, comme Brissot. Un journalisme qui va être un journalisme d'opinion et d'action, un journaliste qui prend parti, un journalisme de combat. Et c'est vrai que c'est ce qui va le rendre célèbre dès les débuts de la Révolution. Alors bien sûr, il y a, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la fameuse journée du 12 juillet. Bah oui. Voilà. La naissance, l'éclosion du 14 juillet. Voilà, c'est l'étincelle qui effectivement met le feu aux poudres et qui donne naissance à la prise de la Bastille. Mais il y a aussi tout ce combat au travers de ces différents journaux. Et c'est vrai qu'il est resté avant tout homme de plume dans l'esprit des historiens. Il avait tout, Desmoulins. Intellectuellement et physiquement, il avait tout pour plaire à Robespierre, si je puis dire. Il aurait dû être l'idole de Robespierre, il était son ami, son camarade de lycée, enfin d'études, et il se trouve qu'ils vont finir par devenir les plus grands opposants qui soient. Il y a un moment où Desmoulins apparaît comme le recours face à Robespierre, d'une certaine manière. C'est terrible ce qui se passe là. Ce sont des amitiés en révolution, des amitiés qui se nouent et qui se dénouent selon des modèles qui sont en partie des modèles hérités de l'Antiquité, c'est-à-dire ce modèle de la vertu publique qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi. Ils se prennent pour des romains tous autant qu'ils sont. Hein. Ils sont imprégnés de ces modèles romains, et c'est vrai que des personnages... Des romains, oui, ben, voilà. D'ailleurs, oui. À commencer par le prénom Camille, qui n'est pas simplement le prénom, hein, comme on le croit souvent, on ne l'appelle pas par son prénom, on l'appelle par un prénom qui est transformé en nom de famille. Camille, c'est Camillus, c'est le général romain qui a sauvé Rome au IVe siècle avant Jésus-Christ des Gaulois. Et c'est grâce au 12 juillet qu'il obtient ce nom. Donc, effectivement, il y a cette dimension romaine dans ces personnages qui explique en partie ces décisions parfois terribles et notamment ces amitiés qui se transforment en inimitié et en véritable haine, comme ce qui s'est passé entre Camille Desmoulins et Robespierre. De la haine de la part de Robespierre, je ne sais pas ce qu'il en était du côté de Camille Desmoulins. Est-ce qu'il était vraiment haineux à l'égard de Robespierre? Non, je ne crois pas. Alors Robespierre a essayé de le défendre le plus possible jusqu'en janvier 1794, en essayant de le maintenir notamment au sein du club des Jacobins. Oui. Mais c'est vrai qu'à un moment, il a choisi de rompre avec lui et de renoncer à défendre Danton et Desmoulins, qui avaient été pendant très longtemps ses amis. Pourquoi il y a juste une question. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais rejoint les Girondins plus modérés, les Brissotins, comme on disait à l'époque? Pourquoi? Parce que il est montagnard, et il reste montagnard jusqu'à la fin. Les indulgents restent des montagnards. Et derrière les appellations montagnard et girondin, il y a finalement deux conceptions de la République qui sont antagonistes. Une conception qui est sans doute plus populaire, avec une part plus grande que ces montagnards veulent laisser à ce qu'ils appellent le peuple dans les initiatives politiques, et de l'autre côté, une république qui est plus représentative. Et lorsqu'on fait la sociologie électorale de la France, alors là, ça nous entraînerait sur un autre terrain, mais on se rend compte qu'il y a bien deux sociologies, deux substrats, deux terroirs différents. Il y a des régions qui sont d'essence girondine et d'autres d'essence jacobine, d'une certaine manière, ce qui ne présage pas du caractère enragé ou modéré des uns et des autres, de part et d'autre. On a envie de dire qu'il y a les modérés sur le fond et les modérés dans la forme, mais ça nous entraînerait là sur des débats peut-être un peu trop philosophiques. Je parlais de tragédie tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une dimension tragique incontestablement chez ce Camille Desmoulins, tragédie à l'antique, tragédie cornélienne aussi d'une certaine manière. Tragédie qui s'exprime par une forme de romantisme aussi. Ses cris à la fin sont déchirants littéralement. Il n'hésite pas à manifester son désespoir de cet amour rompu par les événements politiques. Est-ce qu'il a été vraiment déçu par la Révolution ? Est-ce que le tour pris par les événements l'a profondément choqué ou heurté ? Dès l'été 1793, il se dit déçu, il se dit tenté par un repli sur sa famille, repli sur Bourg-la-Reine, d'autres maison. D'autres ont eu ce même chemin, même parcours. Oui, Danton réagit un peu de cette manière-là aussi. C'est vrai que c'est un homme qui a été déçu et qui le dit toujours très clairement, parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on fait de la politique, on mêle très facilement les propos politique proprement dit, et les propos personnels. C'est un homme qui, dans ses écrits, dans ses paroles, parle très souvent de lui, de la même manière que Robespierre. Et on voit très bien que l'engagement politique est un engagement personnel, et d'où, justement, toutes ces informations qui permettent de reconstituer aussi la vie personnelle de ces acteurs en période de révolution. Alors cette révolution, elle est très largement parisienne, surtout lorsqu'on parle de Camille et Lucile Desmoulins. Nous allons revenir dans un instant sur les lieux mêmes où s'est faite l'action, où s'est faite la révolution. Ces lieux qui sont magistralement, spectaculairement déployés dans ce numéro spécial du Parisien Histoire de Paris, consacré au Paris de la Révolution et de l'Empire. Votre ouvrage à vous, Hervé Lewers, s'appelle tout simplement Camille et Lucile Desmoulins. Voilà une simplicité, une pureté de style et de titre qui n'aurait sûrement pas déplu à l'antique Desmoulins. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Révolution à Paris à travers Camille et Lucile Desmoulins. Avec vos deux invités, Franck, nous allons plus loin cet après-midi. Vous recevez Claude Pomereau. Il est éditeur du hors-série Le Parisien Histoire de Paris, le troisième volet, Le Paris de la Révolution et de l'Empire dans lequel vous êtes plongé. Et Hervé Lewers, qui est professeur à l'Université de Lille. Il a été rédacteur en chef, puis directeur des annales historiques de la Révolution française. Et dans les pages très illustrées qui nous présentent les grands acteurs de la Révolution, dans ce numéro, il y a évidemment Camille Desmoulins, présenté comme le révolutionnaire romantique. Et je lis à la date du 14 juillet 1789, le 11 juillet, le ministre des Finances Jacques Necker est licencié par le roi. À cette nouvelle, des brigands armés se déchaînent dans Paris. Aux armes, hurle le lendemain Camille Desmoulins, qui harangue la foule dans le jardin du Palais Royal. Les gardes françaises pactisent avec les émeutiers. Après avoir pillé l'hôtel de ville, un millier de personnes empruntent le chemin du faubourg Saint-Antoine en direction de la Bastille, où, dit-on, 30 000 fusils sont stockés. C'est une des grandes dates que vous retenez, bien entendu, Claude Pomereau. Il y en a quand même un certain nombre. C'est un très bon moyen de réviser, finalement, ce numéro spécial. On a les personnages, on a les dates. Alors, de grands portraits de Danton, de Robespierre, etc., etc. Tiens, j'en profite, entre parenthèses, pour signer que le numéro de la caméra explore le temps, oui. Consacré à la liberté ou la mort. Hein, ces deux magnifiques soirées qu'avaient conçues André Castelot et Alain Decaux avec Stelio Lorenzi sur Danton et sur Robespierre, viennent d'être rééditées. Là, ça y est, on peut enfin les trouver. Oui, je disais, c'est un bon moyen de réviser ce numéro spécial. Oui, on visite aussi Paris, parce que c'est aussi les lieux où ces messieurs de la famille, si je puis dire, se déplacent. Et finalement, c'est très peu de quartiers. Hein. Où avez-vous trouvé ces images absolument invraisemblables ? On a l'impression, ce sont des images de synthèse, des photos de films. Des images de synthèse entièrement refaites. Ah, et, oui, c'est ça en fait. Hein. Qui Eh ben oui, qui représente les différents épisodes les plus importants de la Révolution. Oui, c'est assez spectaculaire, on a l'impression, on a l'impression d'y être. Hein. Oui, voilà, c'est un peu le but de l'opération, vous me direz. On n'est pas au cinéma, mais enfin, on essaie d'en approcher un peu. Alors, l'ami Bruno Fulini, qui d'ailleurs sera notre invité là, un de ces jours, il vient régulièrement dans cette émission, vous savez, a consacré un bel article aux 10 métiers de la Révolution. Alors, il y a accusateur public, bourreau, sais-je, bon, mais logographe, on parle toujours de la loge du logographe, à propos des événements du 10 août 1792. Le graphe, c'est Steno-Dacchilo. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le spadassinicide? Là, je vous avoue qu'on en découvre des choses. Hein, mais quand ça, même. Ça existait déjà du temps de Louis XV et de Louis XIII. Hein. Oui. C'est-à-dire que moi, si je n'ai pas les moyens d'assassiner mon voisin... C'est le garde du corps, en fait, c'est ça je demande à un homme, à un professionnel, de venir le provoquer sous un prétexte quelconque. Comme dans Cyrano, si vous voulez. Je viens provoquer l'homme duel, sur donc, truc, c'est ça provoquer en duel, et bien entendu, puisque je suis un professionnel, il ne va pas faire long feu. Il y a aussi des applaudisseurs à gages. Oui, ben ça, il y en a toujours eu. Hein. Ça, c'est pas nous. Finalement, ça n'a rien de très révolutionnaire. Ça n'a rien de révolutionnaire. Comme... Mais enfin, c'est la première fois qu'on en trouvait. Dans l'Ancien Régime, on n'avait pas besoin de ça. Vous consacrez de belles pages aussi à la mode révolutionnaire. Nous parlions de cette dimension antique tout à l'heure. On se rend compte que chez les femmes, notamment, les robes sont très directement inspirées de ce qu'on avait pu connaître à Rome au tout début de l'Empire, ou plutôt à la fin de la République. Ce sont des robes inspirées de celles que portaient les tragédiennes sur la scène des pièces de Corneille et de Racine, en fait, oui, tout simplement. Bien, d'autant que le théâtre, à cette époque, a un succès fou. Eh oui. Quand les périodes sont troublées, on a peur pour sa vie, on se réfugie au théâtre ou dans les spectacles les plus invraisemblables. On l'a vu à chaque moment de grande... Pour moi, ça rappelle un peu 40-45 d'une certaine manière. Puisque les périodes... Non, uniquement sur le plan du trouble. Quand une période est troublée, qu'on a peur pour sa vie et qu'il se passe des choses épouvantables, on se réfugie dans les endroits où on a chaud, où on est bien, où on rit. Et donc, il voit effectivement les tenues de tous ces tragédiens, puisque toutes les pièces marchent ou presque. Et donc, on adopte ces tenues qui évoluent avec le directeur, quand même. Oui, bien sûr, oui, qui vont devenir même complètement extravagantes. C'est pas la tenue des sans-culottes non plus. Hein, non, loin de là. Loin de là. Là, la mode est un peu réduite à sa plus simple expression pour ce qui est des sans-culottes. Oui. Tout commence au Palais Royal, dites-vous, dans la série des itinéraires que vous proposez aux lecteurs, avec un guide qui est Laurent Deutsch. Il connaît Paris, évidemment, comme sa poche et comme personne. Et il nous promène à travers des lieux dont qu'il y a d'étonnant et qu'ils n'ont pas tellement changé. C'est ce que Gosselin Lenôtre disait déjà il y a un peu plus d'un siècle, en fait. Parce que Robespierre habitait à côté. Elle était au 398 rue Saint-Honoré. C'est vrai. Devenue rue Honorée, puisque les saints avaient disparu. Les rues changeaient de nom et que les saints étaient condamnés. Oui, d'ailleurs, vous faites une page avec les plaques, les noms de rues. Les plaques de noms qui avaient changé. Ça devient la rue de la liberté, la rue de l'égalité, etc. Alors, c'était embêtant, c'est quand on s'appelait Saint-Victor ou Saint-Julien, est-ce qu'on devait changer son nom? Et à ce moment-là, c'était pas des problèmes. Il y a des lieux qui jouent un rôle absolument essentiel, ce sont les cafés, bien entendu. Ah oui. Les cafés, d'abord, c'est le lieu de réunion des sans-culottes, des sections, parce que c'est quand même Paris gouverné par la commune, faut pas l'oublier, et par les sections. Et une fois qu'on a manifesté, qu'on a été à l'Assemblée, etc., le soir, on se retrouve toujours dans les cafés pour faire le point. Donc, pour chaque club, il y a boisson ouverte. Hébert était le grand prêtre des cafés du soir. Nous allons, si vous le voulez bien, avec Lorena Martin, redécouvrir un des cafés qui ont fait l'histoire et notamment la Révolution. C'est le café Procope, bien sûr. Je rappelle donc que ce numéro spécial hors série du Parisien, Histoire de Paris, c'est le troisième de la série. Oui, ça va finir par faire un très beau volume, tout ça. Oui. 100 lieux de la Révolution sur les pas de Laurent Deutsch, édité donc par le Parisien, sous la houlette de Claude Pomereau. Merci beaucoup, Claude. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et nous continuons à nous balader dans Paris, le Paris de la Révolution, avec une adresse donnée par Lorena Martin que connaissaient bien Danton, Marat et Robespierre. Oui, le café Procope. Et vous êtes en train de préparer votre prochain week-end. Alors je prépare mon prochain dimanche, puisque les centres des monuments nationaux proposent, le centre des monuments nationaux propose une enquête de la police judiciaire. Vous ferez partie de la police judiciaire et vous allez 90 minutes pour résoudre une enquête. C'est un escape game, ça s'appelle comme ça. Et ça se passe au cœur même de la conciergerie. conciergerie. Un escape game à Paris. En bon français. Voilà, exactement. À propos de la conciergerie, tiens, très joli et dense ouvrage de Françoise Chevrier, publié dans la collection In Situ des éditions Sutton, sous-titré « Petites anecdotes et grandes tragédies ».« Petites anecdotes et grandes tragédies », ça pourrait aussi être l'enseigne du café Procope. Procope, bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Oui, le Procope, donc, qui est situé dans le 6e arrondissement de Paris, au 13 rue de l'Ancienne Comédie. C'était l'ancienne rue des Fossés Saint-Germain. Il faut préciser pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout Paris qu'il n'est pas très facile à trouver ce café, puisqu'il est, d'une certaine manière inséré dans un quartier. Il faut entrer dans le passage pour le voir. Dans son passage, oui. Et ce café a été fondé en 1686 par Francesco Procopio dei Coltelli, un Italien qui s'installe en France et qui obtiendra d'ailleurs plus tard sa nationalité française et deviendra François Procope, d'où le nom. On francisait les noms à l'époque. Exactement. Et donc c'est la mode des cafés à cette époque-là. Il commence à travailler dans un café, mais il rêve, lui, d'un établissement différent de ceux qui existent alors à Paris, qu'il trouve sombre et mal tenu. Il décide de créer ce café élégant et luxueux. Mmh. Et ce sont des vastes salles qu'il dalle de carreaux noirs et blancs. Il orne les murs de tapisseries, de miroirs, et il éclaire les plafonds de lustre à pampis de cristal. Et très vite, il rencontre le succès. Ben oui, c'est-à-dire qu'il ouvre cet établissement au moment même où la bonne société parisienne se jette, si je puis dire, sur dans ce le café. Hein, et sur le quartier, et sur le café. Et sur le café, les comédiens du roi s'installent en face de son café, qui va devenir le foyer des artistes, puis un café littéraire, politique. On y rencontre La Fontaine, Racine, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Voltaire. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Au moment de la Révolution française, ce n'est plus la famille de Procope qui possède les lieux, mais un autre Italien qui s'appelle Zoppi. Ses clients sont à ce moment-là Danton, Marat, Fabre d'Églantine. Il était voisin, lui. Hein. Exactement. Danton il avait aussi, son imprimerie juste à côté. Et puis le boucher Legendre, Robespierre. Et puis notre fameux Camille Desmoulins qui évoque le Procope dans son discours de la lanterne aux Parisiens. Ce café n'est point orné comme les autres de glace, de dorure, de buste, mais il est paré du souvenir de tant de grands hommes qui l'ont fréquenté et dont les ouvrages couvrirent tous les murs s'ils étaient rangés. On n'a plus, il est vrai, le plaisir d'y entendre Piron, Voltaire, Jean-Baptiste Rousseau, mais les patriotes soutiennent encore la réputation. Vous imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui, parce que le café Procope ensuite a eu encore de grands visiteurs. Oui, hein, Musset, Georges Sand, Victor Hugo, Théophile Gautier, Honoré de Balzac. Il a fermé un temps au 19e siècle. Je vous passe les détails. Il a été racheté ensuite par les frères Blanc qui ont voulu redonner vie à ce café qui appartient aujourd'hui au groupe Bertrand. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on va au café Procope? Voilà. Vous avez bien sûr le coq au vin, ivre de Juliennas, la tête de veau en cocotte comme en 1686, la joue de bœuf braisée ou encore le tiramisu froisson Procopio. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est un retour aux origines consacré à une expression. Tout le monde le sait et pourtant personne n'en parle. C'est un secret de Polichinelle. Oui, ça vient d'où ça? Polichinelle, c'est Pulcinelle, le petit poussin en italien, un des valets de la Commedia dell'arte italienne et qui va prendre de l'importance avec le renvoi des Italiens. Vous savez que Louis XIV renvoie les Italiens, c'est, si ma mémoire est bonne, en 1697. Et à partir de là, les Italiens deviennent des comédiens de foire, si je puis dire. Ou plus exactement, les comédiens de foire s'emparent des rôles de la Commedia et notamment du rôle de Polichinelle, qui est cette espèce de personnage avec ses bosses, vous savez, il a le nez rouge, crochu, une voix nasillarde, et puis alors c'est le bonhomme qui parle, qui parle, qui parle. Il est incapable de garder un secret. Vous comprenez tout à fait l'origine de l'expression « un secret de Polichinelle ». Mmh. Si vous voulez qu'un secret soit immédiatement divulgué, trouvez Polichinelle, confiez-le lui et vous serez servi. D'une façon générale, tous ceux qui ne savent pas tenir leur langue sont un peu d'une façon des Polichinelles. Alors, il y a une autre expression, tiens, à laquelle je pense maintenant avec Polichinelle. Là, bon, c'est nettement moins relevé, c'est beaucoup plus familier, mais il y a une expression qui dit avoir un Polichinelle dans le tiroir. Mais exactement. Alors, ça, le Polichinelle dans le tiroir, ça veut pas dire nécessairement que le bébé qui naîtra sera lui aussi un petit diable. Vaut mieux, oui. En fait, l'expression fait référence à ce qui, dans les farces avec Polichinelle, était un gag récurrent. Vous savez, le comique de répétition, si vous voulez. Comme pour les spectacles de Guignol, tout l'intérêt tenait dans ce comique de répétition. Et en l'occurrence, c'est la mère de Polichinelle, la mère Gigogne, qui entrait sur scène. Alors, il faut imaginer une femme très forte, très grande, etc. Et elle créait la surprise en faisant sortir de sous ses jupes toutes sortes de petits Polichinelles. En tout cas, c'est comme ça que le public les appelait. C'était des poupées, en vérité. Voilà, d'où l'expression « le Polichinelle dans le tiroir ». C'est d'ailleurs cette dame qui a donné son nom aux tables, aux ligigognes, etc. Parce que, il y a toujours quelque chose qui vient cacher. Il existe toujours une réalité plus petite que la réalité initiale. Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Oui, demain à 14h pour une émission consacrée à Richelieu et deux dates très importantes, les 10 et 11 novembre 1630. Vous l'avez compris, on parlera des journées des Dupins. La journée des Dupes. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.